l'histoire. Xavier Mauduit. Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Et maintenant, le premier festival international des idées, France Culture Arte. Mais quelle belle association! Vous en avez entendu parler, le monde d'après, il était dans toutes les bouches pendant les premiers temps de la pandémie, mais le monde d'après, on y est, c'est donc maintenant et demain, c'est donc dès aujourd'hui et dès maintenant 9h. Et dès maintenant, comment vivre ensemble? Comment vivre avec soi? Oui, le corps social, le corps intime. Faut-il se préparer au pire? Sommes-nous en dictature? En cas de guerre, suis-je prêt à me battre pour mon pays? Sommes-nous au bord de la guerre civile? L'amour, est-ce que c'est mieux quand c'est virtuel ou quand c'est le hasard? Et est-ce que je me force à faire l'amour? Ah oui, est-ce que je me force à faire l'amour? Et d'ailleurs, pourquoi non? C'est vraiment non. Des historiens, des historiennes. Des philosophes. 2 heures pour penser comment vivre ensemble le monde de demain. Jean-Claude Caron, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien. Justement, au moment de réfléchir au monde de demain, est-ce que nous vivons, d'après vous, dans une société qui est particulièrement angoissée pour son avenir? En tout cas, elle se pense comme telle. Ce n'est pas la première fois et ce sera certainement pas la dernière fois. Mais il y a tout un ensemble de paramètres, de petits critères comme ça, parfois très violents aussi, hein, qui surgissent. Et le questionnaire que vous avez aujourd'hui, que nous sommes là aussi pour commenter, en tout cas à partir de ce questionnaire, montre bien qu'il y a des choses qui sont d'ailleurs récurrentes. L'idée de guerre civile, par exemple, que vous évoquiez tout à l'heure en introduction, c'est vraiment quelque chose qui revient périodiquement dans le discours depuis très longtemps, et notamment depuis la Grèce antique. Oui, parce que ça, c'est la grande question, entre autres, hein, celle du vivre ensemble, celle de la guerre civile. Jean-Claude Caron, vous avez raison de souligner qu'il y a eu cette grande consultation festival et maintenant France Culture Arte, avec des dizaines de milliers de réponses à toutes ces questions. Et parmi toutes ces questions, il y avait une guerre civile en France. Ça me semble inévitable, probable, peu probable, impossible. C'est quoi cette question? Alors, la réponse qui obtient la majorité des votes, des opinions, c'est peu probable. Donc, pour la plupart des gens, il est peu probable qu'il y ait une guerre civile, parce que c'est quoi cette question? Ces 15% des réponses laissent un sous-entendu. Mais on pourrait imaginer que ce sont des gens qui disent c'est peu probable. Jean-Claude Caron, déjà, c'est quoi une guerre civile? Ben précisément, je me demande si ceux qui ont répondu à cette question ont vraiment une idée de ce que c'est que la guerre civile. Parce que si c'est une formule qu'on emploie de manière un petit peu polémique, souvent d'ailleurs pour combler un vide, parce qu'on ne sait pas trop comment qualifier quelque chose, est-ce que c'est un conflit social, un conflit religieux, parfois on a parlé de conflit ethnique également, ou ethnoculturel. Guerre civile, c'est facile, comme ça on met ça en avant, ça fait peur. C'est le fratricide, en quelque sorte, la guerre des frères. C'est la stasis, hein, dans l'ancien temps, notamment dans la Grèce. C'était la discorde absolue dans la cité. Et à partir de là, ça fait peur. D'ailleurs, on peut dire d'ores et déjà, pour le souligner, qu'il y a plein de petits épisodes récents de notre histoire en France où le personnel politique, parfois un peu à court ou ne souhaitant pas commenter les choses avec des termes trop sociaux, trop politiques, met en avant guerre civile. Juste un exemple, 2005. Les émeutes de banlieue, il y a eu un nombreux personnel politique, pas seulement à droite ou à l'extrême droite, parce que c'est vrai que la notion est plutôt captée en ce moment par l'extrême droite, hein, très clairement. La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une cellule dormante d'extrême droite qui a été démantelée avec constitution d'un stock d'armes, qui, disait-il, se préparait à la guerre civile, dont eux, ils la souhaitent. D'ailleurs, je dis que inévitable, on ne sait pas trop ce que ça veut dire dans le commentaire. Inévitable, ça veut dire ça va arriver, je le souhaite, ou ça va arriver, je le crains. Alors il y a cette idée de peur dans la guerre civile, ça fait pas peur qu'aux historiens, ça fait aussi peur aux philosophes. Je me tourne vers mes invités philosophes, Jean-Claude Monod et Johanna Lenne Cornuez. Bonjour à vous deux. On peut dire que la Bonjour. Guerre civile, c'est un peu le mal absolu aussi, hein, pour les philosophes. Alors, il me semble que cette idée de guerre civile, alors c'est vrai que la société actuelle est vraiment traversée par des tensions, mais il me semble qu'il faut faire attention à pas instrumentaliser, hein, cette crainte de la guerre civile, voilà, à instrumentaliser une forme de peur qui pourrait, parce que il y a aussi dans la société aujourd'hui, hein, cette tentation peut-être de s'en remettre à un pouvoir fort, hein, qui permettrait une sorte de retour à l'ordre comme ça, et Et ça me fait penser à ce que Germaine de Staël disait lorsque, dans un moment où elle réfléchissait là dans les considérations sur la Révolution, dans un moment où elle réfléchissait à ce moment de forte tension, on était pris entre d'un côté la terreur et les mouvements contre-révolutionnaires, et où elle avait pu réfléchir à cette tentation qu'on pouvait avoir de s'en remettre voilà un pouvoir fort incarné par Napoléon, et elle disait non, il faut absolument penser voilà le retour à l'ordre par la liberté. Jean-Claude Monod. Oui, non, vous disiez que la guerre civile était une figure du mal absolue pour la philosophie. Alors c'est très vrai, je crois, pour la philosophie antique, pour la philosophie grecque. On voit chez Aristote ou Platon cette figure de la guerre entre citoyens, de la guerre entre frères. Donc c'est vraiment ce que la police, au sens de l'État, doit éviter. Et on retrouve ça d'ailleurs dans la philosophie moderne, presque dans la fondation d'ailleurs de la théorie moderne de l'État chez Hobbes, où l'État est ce qui doit vraiment empêcher la guerre civile, l'éclatement de la société, notamment à l'époque la guerre civile confessionnelle, c'est-à-dire le fait que, disons, il y ait des appels à une sorte de dissociation de la société au nom d'un absolu, par exemple. Et alors on voit bien qu'aujourd'hui, dans le discours de la guerre civile, alors ensuite ça a pu être repensé peut-être positivement, comme ceux qui permettaient d'accoucher d'une autre société, et dans ce cas-là c'est plutôt du côté de la conflictualité sociale, de la guerre de classe, de la lutte des classes, où la guerre civile est une figure limite, mais qui doit pouvoir permettre la transition vers un autre régime, vers une autre figure politique. Et comme le disait Jean-Claude Caron, je pense que le discours de la guerre civile est sans doute passé de l'extrême gauche à l'extrême droite récemment, avec cette idée qu'on entend, qu'on lit, que la France serait menacée par une guerre civile. Et là, c'est plutôt une sorte de projection de la guerre civile confessionnelle. C'est-à-dire, on pense dans ce cas-là à l'islamisme, etc., avec les attentats. Et il y a un peu un spectre de la guerre civile qui est éventuellement agité, instrumentalisé, d'ailleurs, par plutôt un discours d'extrême droite, alors que on a pu penser que la guerre civile était plutôt, enfin, c'était ce schéma du foyer révolutionnaire qui allait éclater partout et qui allait faire naître une autre société. Et ça, je pense que c'est assez typique d'un basculement, peut-être, qu'on sent d'ailleurs un peu dans ce questionnaire, où certains thèmes, plutôt certaines grandes attentes, qui étaient plutôt portées par une sorte d'espoir révolutionnaire, sont maintenant repris plutôt dans la perspective d'une sorte de peur ou d'anticipation d'une catastrophe, avec quelque chose de très ambivalent dans le cas, effectivement, du discours d'extrême droite sur la guerre civile, qui est plutôt crainte et en même temps qui est effectivement présentée comme quelque chose à quoi il faut se préparer, éventuellement par les armes. Donc c'est plutôt autoréalisateur comme prophétie. Jean-Claude Caron. Oui, dans l'histoire, on serait parfois surpris de voir qui, au fond, a pris la défense de la guerre civile comme quelque chose qui était non seulement bon, mais souhaitable. Alors, d'un côté, Marx, la guerre civile en France, je le cite, la seule guerre juste dans l'histoire. Bon. De l'autre, Bakounine qui dit que la guerre civile est au contraire toujours favorable, dit-il, au réveil de l'initiative populaire et au développement intellectuel, moral et même matériel des peuples. Donc il y a une défense de la guerre civile. Mais sur l'autre côté du spectre, Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, qui dit très clairement qu'un peuple s'est souvent retrempé et régénéré dans les discordes intestines, il n'a jamais péri par une guerre civile et il a souvent disparu dans des guerres étrangères. Et si on poursuit ce courant de Chateaubriand, on arrive à Louis Veuillot et après Louis Veuillot à Georges Sorel. Georges Sorel avec les réflexions sur la violence, qui, ce courant de pensée-là, donc qu'on va qualifier plutôt de droite extrême, royaliste, puis carrément de droite contre-révolutionnaire, en quelque sorte, fait l'apologie. Il est plutôt parti de l'autre. Il est parti de l'autre, et pour arriver, malgré tout, à être lu et détourné, en tout cas, par une lecture quand même contre-révolutionnaire, disent, voilà, la violence, c'est la solution. Et la guerre civile, c'est la meilleure des violences, parce qu'elle va permettre de mettre au clair, on va éliminer celui avec lequel on ne peut pas vivre. Oui, c'est tout simplement ça. Jean-Claude Monod, vous voulez réagir ? Oui, non, c'est juste pour, effectivement, au 19e siècle, on voit, il y a toute cette reprise éventuellement positive du discours de la guerre civile. Puis évidemment, il y a l'image de la révolution qui précède. Mais il y a un livre intéressant d'un philosophe, qui s'appelle Guillaume Barrera, qui a fait un petit livre sur la guerre civile récemment, et qui suggère qu'au fond, la démocratie était une sorte de réponse. C'est-à-dire, c'est l'idée que ce qui risque de basculer dans la guerre civile, la démocratie permet de lui trouver d'autres débouchés pacifiques, que ce soit par la grève, par bien sûr la voie électorale, etc. Donc il y a un traitement des dissensions sociales qui, dans la démocratie, est censé justement ne pas déboucher sur cet extrême qu'est la guerre civile. Et ça, au fond, on voit que quand la démocratie est fragilisée, c'est sûrement il y a un retour du discours de la guerre civile. Allez-y, Johanna, Len Cornuez. Oui, ce qui me semble important aussi, c'est de penser le moment de la rupture du consentement aujourd'hui, puisque le consentement à l'autorité fait problème. Et donc, de penser quelle est la légitimité de la rupture de ce consentement à l'autorité. Et il me semble qu'il y a plusieurs choses à dissocier. D'abord, on peut penser qu'une certaine conception de l'usurpation de la souveraineté du peuple doit être prise en compte ici, aujourd'hui dans le débat public, et donc penser à quelles conditions on peut rendre possible une nouvelle participation du peuple à la souveraineté, ou en tout cas repenser ces conditions de la participation. Et puis il me semble aussi qu'il y a l'idée que le consentement pose problème aujourd'hui parce que les décisions politiques sont accaparées au profit d'une partie du peuple et un rapport exclusif à un certain nombre de biens sociaux, et donc c'est aussi la question de la justice sociale qui est en cause. Et puis moi ce qui me pose toujours question, c'est le fait que dans la contestation sociale, par exemple avec des mouvements comme Extinction Rébellion ou ce genre de mouvements aujourd'hui, alors dont je ne nie pas la radicalité, mais on les renvoie toujours à leur violence présumée ou pas, et c'est toujours la question de la violence qui leur est posée. Or, il me semble qu'on peut aussi renverser la perspective. D'abord parce qu'il faudrait distinguer les différentes formes de violence, et puis aussi parce que on peut aussi les voir dans leur puissance d'engagement pour le bien commun. Et donc dans ce rappel, au contraire, plutôt qu'une force de désagrégation sociale, dans ce rappel à une solidarité, à se penser à penser sa place, alors dans le tout social, dans le corps social, mais aussi plus largement peut-être dans le monde. Et donc il me semble qu'il faut pas toujours les renvoyer à cette question de la violence. La violence au cœur de cette réflexion sur « Et maintenant ?» Et maintenant, comment vivre ensemble ? Le cours de l'histoire sur les chemins de la philosophie, les chemins de la philosophie dans le cours de l'histoire sur France Culture à l'occasion de « Et maintenant ?» le premier festival international des idées, avec cette question toute simple. Mais tout cela ne serait-il pas la cause unique des philosophes ? Je suis tombé sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux de rien gagner avec un cœur gros comme ça. Il est tombé par terre, c'est la faute à mon frère. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et mon cœur à terre, c'est la faute à mon frère. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Ah, les misérables, Victor Hugo. Jean-Claude Caron, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. Dans cette lecture historique de la notion de guerre civile, nous parlons beaucoup des idées. C'est essentiel, les idées, la réflexion sur qu'est-ce qu'une guerre civile. Et puis, il y a le vécu aussi d'une guerre civile. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Du point de vue de l'individu, une insurrection, une émeute, une guerre civile, comment ressent-on ces distinctions ? Alors c'est vrai que là, il y a une sorte de graduation dans ce que vous venez de dire, effectivement, de l'émeute à l'insurrection, de l'insurrection à la révolution, voire à la guerre civile. Maintenant, il n'y a pas un ressenti forcément global, parce que nous, historiens, sommes habitués à travailler sur ceux qui ont pris la parole pour dire des choses, et parfois on ne veut pas entendre ceux qui ont dit autre chose, et notamment, par exemple, ceux qui sont arrêtés lors des manifestations, des insurrections, etc., et qui n'auront pas tout à fait le même discours que le discours dominant de ceux qui ont le pouvoir, d'une certaine façon. Donc c'est vrai que, du côté de ceux qui ont le pouvoir, manier l'idée de guerre civile, c'est délégitimer complètement un mouvement social. C'est une guerre civile, ils veulent la mort de la société, en gros, globalement, etc. De l'autre, il y a un autre discours qui se fait entendre, même si c'est parfois compliqué parce qu'il est contraint par l'espace dans lequel il s'exprime. Imaginez que vous êtes un insurgé, des journées de juin 48 ou de la semaine sanglante, vous êtes face à un juge, il faut avoir plus que du courage pour affirmer que vous étiez bien sur la barricade et que vous aviez comme, non pas but la guerre civile, mais la République sociale ou bien un gouvernement, disons, populaire. Là, vous êtes quand même contraint parce que vous risquez, si ce n'est votre peau, du moins une longue peine de prison. Jean-Claude Monod, vous avez fait paraître ce livre, L'art de ne pas être trop gouverné. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste de philosophie politique. On a entendu en fait cette distinction entre la guerre civile et les autres mouvements justement de révolte. On voit bien en fait que la guerre civile est un mal absolu d'une certaine manière pour les philosophes. L'idée est pour instaurer un gouvernement, de pouvoir contrer cette idée de guerre civile. En revanche, il faut pouvoir laisser s'exprimer les conflits sociaux. Quelle marge à trouver pour un gouvernement, à la fois pour qu'il soit la condition de la politique, mais pour qu'il puisse aussi laisser advenir de la vraie politique en termes de conflit social? Oui, c'est tout un problème, je pense, qu'on voit émerger dans la philosophie politique moderne en particulier, dès Machiavel d'ailleurs, qui pense que quand même ce qui anime la politique, c'est un conflit permanent entre ce qu'il appelle d'ailleurs les grands et le peuple. Et la question est justement de ne pas avoir une vue simplement négative de cette conflictualité, en condamnant le peuple pour son agitation, pour ses tumultes, mais de voir en quoi c'est précisément ce qui permet, au fond, de créer une dynamique sociale, de contester des injustices, de contester des situations d'abus aussi. Et moi, ça m'avait frappé, effectivement, alors c'est un thème que reprend Foucault d'une toute autre façon, lorsqu'il parle des crises de gouvernementalité ou de ces mouvements de contre-conduite, etc., qui font que toutes sortes de révoltes peuvent éclater à partir de points d'ancrage variés. Ça peut être à partir d'abus religieux, ça peut être à partir de situations d'injustice, ça peut être à partir de revendications de droits dans le domaine de la sexualité, etc. Et tout ça crée effectivement des formes d'instabilité, mais qui sont positives, qui permettent aussi justement des expressions de subjectivité politique qui n'entrent pas forcément dans les normes et qui essayent de créer d'autres normes. Et on a vu d'ailleurs juste avant la pandémie, il y avait dans le monde toute une série de révoltes qui étaient rendues peut-être nécessaires, ou en tout cas qui ont été jugées nécessaires par des situations d'abus, de sentiments effectivement de captation aussi du pouvoir par des gouvernements corrompus ou par des gouvernements trop au service, disons, des plus favorisés, etc., que ce soit au Chili, au Liban, en Algérie. D'ailleurs, les gilets jaunes en France, il y avait peut-être quelque chose de ça. Et donc, cette dimension où effectivement des peuples ou des éléments de la population disent on ne veut pas être gouverné comme ça, on veut être gouverné autrement. Parfois, ça n'est pas « je ne veux plus être gouverné du tout ». Ça veut dire je ne veux plus être gouverné comme ça. Ça dépend, oui. Foucault, il jouait un petit peu. Il se dit, parfois, c'est des mouvements qui disent on ne veut plus être gouverné du tout. Ça, c'est la forme, disons, anarchisante qui est importante et qui ressurgit régulièrement. Mais c'est aussi, nous ne voulons pas être gouverné comme ça, nous ne voulons pas être gouverné par ceci, nous ne voulons pas être gouverné trop non plus. C'est-à-dire, on veut aussi qu'on nous laisse un peu de marge, de liberté, un peu de marge d'expression. Et au fond, on voit que c'est quelque chose qui n'est jamais tout à fait réglé. Et tant mieux, je pense que c'est quelque chose que la politique doit toujours gérer comme une espèce de cette part un peu de révolte qui est toujours là et qui a interdit de se figer dans un ordre définitif. Jean-Claude Monod, vous venez d'évoquer justement cette subjectivité en parlant de la révolte. La grande consultation à l'occasion de ce festival est maintenant, Festival International des Idées de Demain, France Culture Arte. Demain ou dans les prochains mois, je pourrais participer à un mouvement de révolte de grande ampleur. Oui, à plus de 62%. Mais une autre question était, pour faire entendre sa voix, la violence est nécessaire, acceptable, contre-productive, inacceptable. Eh bien là, c'est contre-productive qui le remporte. C'est très intéressant cette confrontation. Une majorité dit « je suis prêt à prendre part à un mouvement de révolte de grande ampleur », mais dans le même temps, la violence est contre-productive. Comment vous vivez les uns les autres ces fractures? Alors on pourrait, comme on a parlé du consentement, Johanna Lenne-Cornuez, réfléchir à ça, parce que ici il y a cet individu qui s'exprime, non je ne vais pas prendre les armes, et d'un autre côté, oui je fais partie d'un corps social, donc je veux agir. Oui, parce que je pense que en fait chacun aujourd'hui réfléchit à, aux conditions de son consentement à l'autorité. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que la notion de consentement à l'autorité, au départ, c'est une notion, disons, libératrice qui est pensée de Locke à Rousseau comme ce qui est la condition d'un pacte social qui soit libérateur des peuples. Hein, mais ce qui est intéressant aussi de dire, il me semble, c'est que le consentement est une condition nécessaire hein, de formation, d'adhésion, au corps social. Et en même temps, il faut rappeler, avec Rousseau, que ça n'est pas une condition suffisante. Disons que tout accord volontaire n'est pas nécessairement légitime. Hein. Il peut y avoir des contrats de dupes. Hein. Il peut y avoir, Rousseau dénonçait ce rapport de soumission hein, qui peut paradoxalement être consenti, une forme de soumission volontaire. Hein. Et donc, ce qui me semble important, c'est dans cette question du consentement ou du refus hein, de consentir, hein, c'est que ça n'est pas seulement un accord subjectif aléatoire hein, et qui serait révocable, disons, à souhait, hein, mais qu'il faut, dans cette rupture de consentement, une justification, sinon objective, au moins rationnelle. Et peut-être la question du consentement à l'impôt, hein, puisque c'était aussi un des points de départ des révoltes des Gilets jaunes. Hein, cette question du consentement à l'impôt, elle est assez emblématique hein, de ce problème. C'est-à-dire que... évidemment, on peut dire subjectivement, hein, c'est toujours difficile, l'adhésion à l'impôt est toujours difficile, hein, il y a toujours une part indéniable de contraintes. Et ce qu'il faut penser alors, c'est la question de l'équité hein, pour que le consentement, soit justifié. Donc le rapport de solidarité que les impôts permettent et puis cette question de justice redistributive. Hein, et il y a une notion qui est mobilisée déjà par Rousseau et qui me paraît tout à fait essentielle, c'est la question de la dette sociale. Donc de comprendre, notamment pour Rousseau, hein, en démystifiant, notamment hein, dans sa critique de l'économie politique, en démystifiant l'idée d'une main invisible qui mettrait en accord comme ça tous les intérêts, hein, il faut penser au contraire, hein, notamment la dette sociale des possédants, et la question de l'équité des contributions qui permet l'adhésion et le consentement. Jean-Claude Caron. Oui, juste un mot et un retour sur ce que disait tout à l'heure Xavier Mauduit à propos des deux questions sur le mouvement de révolte de grande ampleur et sur la nécessité ou pas de la violence. Dans le premier cas, c'est-à-dire le mouvement de révolte de grande ampleur, il y a quand même, quand on regarde de près les résultats, une grande différence entre ceux qui se disent de gauche et ceux qui se disent de droite. C'est de 1 à 2. C'est-à-dire, vraiment, il y a une différence tout à fait énorme. Quant à la question de la violence nécessaire, voire acceptable, là, la différence, elle n'est pas tellement gauche-droite ou bien générationnelle, mais elle est homme-femme. C'est-à-dire que le nombre d'hommes est nettement... Enfin, c'est significatif. Il y a beaucoup plus d'hommes qui ont répondu que la violence était nécessaire ou acceptable que de femmes. Il y a 27% voilà. D'hommes qui plébiscitent la violence, 19% des femmes, 8,61% des hommes la trouvent même nécessaire contre 4,33% des femmes. Nous n'avons le même... Du simple au double. Oui. Donc c'est minoritaire, mais il y a quand même une différence qui est assez... Une autre question qui, moi, m'a interpellée, c'est la question 1093. Je suis prêt à accepter des mesures autoritaires quand il s'agit de l'écologie, 52%, l'égalité homme-femme, 40%, la santé, 38%, la sécurité, 23,49%. Rien de tout ça, 27,99%. Johanna Lenkornuez, vous avez écrit cette thèse, hein, Être à sa place. On vous a entendu citer Rousseau. Le sous-titre de votre thèse, c'est la formation du sujet dans la formation morale de Rousseau. On vient de parler du consentement à l'autorité. Ce qui est ambigu avec ce questionnaire et avec cette réponse, c'est de dire à la fois on a des mouvements quand même de révolte, on est prêt en fait à se révolter si peut-être la cause en fait le demande, et en même temps on est prêt aussi à se soumettre une autorité qu'on a auparavant dénoncée. Et ça pose cette question qui est souvent revenue pendant la pandémie, notamment avec les mesures sanitaires: jusqu'où dois-je obéir? À quelles conditions dois-je obéir? Oui, mais vous avez dit dans cette question, il y a une certaine ambiguïté hein, sur ce que ça signifie mesure autoritaire. Hein. Si mesure autoritaire, ça veut simplement dire qu'il faut faire exécuter en quelque sorte l'expression de la volonté générale et que c'est pour le bien commun. Hein, le rapport égalité homme-femme, il me semble que voilà, ce sont des principes de justice. Alors il y a toujours des résistances, mais comme dit Rousseau, à ce moment-là, hein, dans une formule célèbre, hein, il faudrait forcer le citoyen à être libre, hein, donc le forcer à vouloir cette égalité que, en fait, il veut. Hein, mais donc si d'un côté ces mesures autoritaires, ça veut dire cela, bon, en fait, il y a une ambiguïté sur le terme d'autoritaire. C'est pas en réalité, c'est un consentement implicite, disons, à cette autorité qui doit valoir. Si au contraire, en fait, on s'en rapporte, hein, il y a aussi cette tendance et ça manifeste cette tension. Hein, si au contraire on s'en réfère à un pouvoir autoritaire comme ça, vertical, qui impose des décisions sans souci du bien commun et sans participation politique hein, des citoyens, hein, puisque c'est aussi une demande qui est très forte hein, dans les mouvements sociaux. Effectivement, là, on peut-être parler de dérive autoritaire. Mais il me semble qu'il ne faut pas confondre les deux. Jean-Claude Caron. Oui, alors, pour reprendre le questionnaire, la question 1093 est très intéressante, mais peut-être on pourrait la relier à la question 1087, dont la formulation, elle, c'est vrai, m'a laissé un petit peu pantois d'une certaine façon. Est-ce qu'il faut se préparer au pire du pire? Ça, j'adore. Alors, ça, c'est vrai que c'est une expression comme ça, le pire du pire, dans le climat anxiogène, quand même légèrement anxiogène qui est le nôtre. Mais c'est intéressant quand même, pour reprendre ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un troisième type de clivage qui est un clivage générationnel, malgré tout. Là, c'est pas que homme-femme sur la violence. Voilà, plus on est jeune, plus on est sensible au pire du pire et plus on monte dans les classes âgées, moins on est sensible au pire du pire. Justement, la réponse à cette question, il faut se préparer au pire du pire, d'accord, à 76%. Et pour les jeunes, c'est 81%. Le pire du pire, mais où est-ce demain? Est-ce maintenant? Et maintenant, France Culture, que vais-je faire de tout ce temps? Histoire et philosophie. Que sera ma vie? Ces gens, Xavier Mauduit et Géraldine Mosna-Savoie, qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti. Mais non, nous ne sommes pas partis, Géraldine Mosna-Savoie. On est toujours là. Et toujours là, dans le cours de l'histoire sur France Culture, il y a les chemins de la philo. Justement, dans cette réflexion autour du consentement à l'autorité, de cette idée du vivre ensemble, il y a la notion de dictature. Nous sommes en dictature. Ça, c'est quelque chose, Jean-Claude Monod, que nous entendons sans cesse, l'art de ne pas être trop gouverné. C'est votre ouvrage publié au Seuil. Dans cette réflexion de la peur de la dictature, du fantasme de la dictature, ou peut-être de la réalité, je ne sais pas, quelle est la place du consentement en réalité? C'est compliqué parce que la dictature s'impose à vous. Oui, alors si on remonte aux origines du concept de dictature, c'est vrai que c'était une période de délégation de pouvoir qui était consentie par l'Assemblée, par le Sénat, à Rome, etc. Bon, ensuite, je pense, dans l'histoire et dans nos têtes, la dictature, c'est vraiment l'idée d'un pouvoir qui s'impose de manière très unilatérales et qui rompt avec les mécanismes de délibération ou de contrôle. Et donc, lorsqu'on parle aujourd'hui de dictature sanitaire, où c'est évidemment cette image-là qu'on a, c'est-à-dire de mesures qui sont prises sans délibération suffisante sans véritable consentement des populations. Alors, je pense que c'est erroné pour sans doute une période comme celle que nous vivons, des périodes d'épidémie où il faudrait distinguer d'ailleurs entre état d'urgence sanitaire, dictature, etc. Mais certainement, il y a eu le sentiment que avec le Conseil de défense, le Conseil scientifique, enfin, que les décisions étaient associées insuffisamment à la population et étaient prises quand même sur un mode très là aussi vertical, enfin qui a été revendiqué mais qui peut être mal vécu. Et donc effectivement, dans ces situations qui sont des états d'exception en un sens, c'est-à-dire que les procédures normales de délibération et de prise de décision dans la démocratie libérale ne sont pas respectées, il faut prendre des mesures plus rapides, etc., suscitent évidemment des inquiétudes. Et le spectre de la dictature est, au fond, c'est le symétrique inverse de la guerre civile, c'est-à-dire c'est cette image d'un pouvoir, cette fois, qui se dissocie de son peuple et qui s'impose sur un mode complètement unilatéral. Mais pour revenir peut-être à la question sur les mesures autoritaires, moi, il me semble aussi que... il y a bien sûr cette question du consentement, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui apparaît dans des enquêtes, alors qui ont été faites depuis des années, où on a quelque chose qui paraît un peu contradictoire, c'est-à-dire à la fois l'aspiration à un pouvoir qui a l'air autoritaire ou un peu fort, et en même temps l'aspiration à plus de participation. Alors je me suis toujours demandé si c'était tout à fait contradictoire, c'est-à-dire je pense que peut-être les gens aspirent à des gouvernants qui gouvernent vraiment, et notamment qui prennent la mesure, par exemple, du problème écologique, qui prennent des mesures à la hauteur du problème. Donc, en un sens, un pouvoir, oui, qui assume sa puissance, mais pour en faire quelque chose qui réponde aux urgences. Et en même temps, il y a une aspiration des populations à être davantage associées sur un mode démocratique à la décision. Et je pense que c'est pas forcément contradictoire. Au fond, on a des moments, mettons, je sais pas, comme le New Deal aux États-Unis, où on a à la fois un pouvoir fort, exécutif fort, qui prend des mesures qui ont l'air à la hauteur de la crise, et en un sens, une démocratisation sociale, et une manière d'associer aussi et de prendre des mesures qui sont favorables à la plus grande part de la population. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi ce genre d'attente, parce que sinon on ne comprend pas comment on peut avoir 80% là et là. Et c'est un peu la même chose dans votre enquête, où on a... Alors, sur la question révolte-violence, il me semble que c'est aussi une façon de tirer peut-être des leçons du XXe siècle où la violence, il y a eu tout un discours de légitimation de la violence, y compris révolutionnaire, que par exemple Sartre disait que la violence c'est comme la lance d'Achille, elle répare les blessures qu'elle inflige. Alors je crois que plus grand monde ne croit que là, il y a une sorte d'auto-réparation de la violence. En revanche, l'idée de la révolte, voire de la révolution, mais une révolution non violente, reste très, très forte et très présente, y compris dans les pratiques actuelles. Et on voit qu'il y a ce désir éventuellement de pouvoir exprimer et de pouvoir justement en appeler à une forme d'action politique assez radicale face à la fois à l'injustice du capitalisme actuel et au péril écologique, par exemple, qui est évidemment ce qui commande aussi le grand pessimisme de la jeunesse actuelle. Alors on peut aussi faire appel à une distinction en philosophie qui est quand même cette distinction de l'autorité qui n'est pas forcément coercitive. C'est un grand texte de Hannah Arendt pendant la crise de la culture, la crise de l'autorité. Il faut absolument distinguer l'autorité de la force. À partir du moment où l'autorité a besoin de faire appel à une force extérieure, c'est qu'elle se nie elle-même finalement comme autorité. Mais est-ce qu'on n'a pas justement cette distinction-là qu'on doit mettre en œuvre actuellement en se disant, pour résoudre ce paradoxe que vous soulignez, Jean-Claude Monod, entre d'un côté une volonté en fait d'un gouvernant charismatique qui, c'est un terme important pour vous, hein, qui gouverne, qui a des mesures, qui applique des mesures avec autorité et en même temps qui ne fasse pas appel à la force qu'on retrouverait d'une certaine manière dans l'idée de consentement qu'on a chez Rousseau, Johanna Hélène Cornuez. Oui, enfin, d'abord je voulais revenir sur cette question de la crise sanitaire. Il me semble que Elle nous met dans une forme d'impasse à opposer la sécurité, alors ici la sécurité qu'on voudrait sanitaire, et d'un autre côté la liberté. Et en fait, il me semble qu'à opposer les choses ainsi, effectivement, on est dans une forme de tension. Alors évidemment, l'autorité des experts pose un problème démocratique. Hein. Est-ce qu'il faut, il faut s'en remettre à des experts et jusqu'à quel point c'est une autorité politique légitime, hein. Est-ce qu'il faut véritablement que le politique s'en remette à cette autorité-là? Mais il me semble que la crise sanitaire, plus que d'opposer, d'un côté sécurité et de l'autre côté liberté, devrait faire réémerger l'idée d'interdépendance de chacun et de chacun avec tous, et cette idée que précisément ni la sécurité ni la liberté ne sont des biens privés ou dont on peut faire une jouissance exclusive, mais que il faut penser cela en termes de biens collectifs. Oui, parce que c'est la bonne question aussi de savoir où est le pouvoir. Hein. Nous parlons de ces scientifiques, il y aurait la société civile, les élus évidemment. Oui, où est le pouvoir? Toute la journée, il y a eu des réunions dans toutes les sections. Il paraît même que Santerre, au faubourg Saint-Antoine, voulait marcher tout de suite. Sans Robespierre, qui est contre une action non préparée, ça y était. À l'heure actuelle, nous serions déjà en train de nous battre. À la section au conseil, ils ont fait mieux. Ils ont purement et simplement proclamé la déchéance du roi. Et finalement, qu'est-ce que nous avons décidé? Ouais, qu'est-ce que nous avons décidé? C'est bien simple. Si le roi ne retire pas son veto et ne prend pas des mesures utiles à la défense nationale, nous donnons une semaine à l'Assemblée pour proclamer sa déchéance, suivant les formes prévues par la Constitution. Mais qui ça? Nous. Moi, j'ai rien décidé. On dit toujours nous. Nous, ce sont tes représentants, les gens que tu as élus, c'est-à-dire les membres du comité central de tous les fédérés de toute la France, d'accord avec le bureau de correspondance des sections révolutionnaires de Paris. Et si l'Assemblée ne marche pas, alors nous attaquerons le château. En langage militaire, c'est ce qu'on appelle un ultimatum. Un extrait de La Marseillaise, le film de Jean Renoir en 1938. Mais qui est nous, Géraldine? C'est un peu une question de philo, ça. Hein, c'est qui nous? C'est complètement une question. C'est d'ailleurs une question du questionnaire. Ben oui, non, mais c'est ça. C'est intéressant de réfléchir à ce nous en démocratie. Jean-Claude Caron, vous êtes l'auteur de Paris, l'insurrection capitale. Vous l'avez dirigé, cet ouvrage, chez Champ Vallon. C'est toujours dur à dire, hein, chez Champ Vallon. Et Frères de sang, la guerre civile en France au 19e siècle, chez le même éditeur. Dans cette réflexion, aujourd'hui, sommes-nous au bord de la guerre civile? Vivons-nous en dictature? Le regard de l'historien, de l'historienne est essentiel pour savoir ce qu'est une dictature, pour connaître les cheminements qui nous ont conduits à la situation d'aujourd'hui. Absolument. Alors, pour qui regarde un petit peu les murs de nos villes actuelles, le mot de dictature réapparaît. C'est un tag politique qui n'est d'ailleurs suivi d'aucun adjectif, dictature. Il suffit apparemment à être lisible en tant que tel. Mais je voudrais simplement préciser une chose, c'est que pendant une bonne partie de l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution française, le mot de dictature n'est pas forcément péjoratif. Parce que la dictature, c'est un pouvoir autoritaire, certes, mais qui est censé, depuis la République romaine en tout cas, être encadré par la loi, dans sa durée, dans son contenu. Le vrai terme qui, à partir de la Révolution française, et même avant, mais qui va vraiment prendre de l'ampleur, et aucun régime pratiquement ne va y échapper jusqu'à nos jours, c'est celui de tyran, le tyran. Robespierre et Napoléon sont plus des tyrans pour leurs adversaires que des dictateurs, c'est-à-dire des hommes dont le pouvoir n'a aucune limite, ni dans le contenu, ni dans la durée. Alors, on aime bien, après, au fur et à mesure, ressortir ce mot de tyran. Rares sont les régimes qui ont échappé, hein, tout au long du 19e siècle. Évidemment, Napoléon III y a eu droit également du fait du coup d'État, etc. Mais plus proche de nous, si le mot de tyrannie a disparu, despote, dictateur, le coup d'État permanent, François Mitterrand, vous voyez, à propos de De Gaulle. De Gaulle qui est obligé de prendre la parole en 1958 lorsqu'il arrive au pouvoir pour dire « Est-ce que vous croyez que je vais commencer une carrière de dictateur à 67 ans ?» Preuve que s'il répond à la question qu'on ne lui avait pas vraiment posée dans ces termes-là, du Jaurès, c'est qu'il sait bien qu'il se passe quelque chose, malgré tout. Et si je peux me permettre, d'ailleurs, dans ses mémoires, il dit, oui, la dictature que j'ai dû assumer, en fait, pour une période en 58, donc, en fait, dans ses mémoires, il assume le terme, mais évidemment, au plan public, il ne pouvait plus l'assumer. Ouais. Et c'est vrai que c'est frappant de voir que ce terme qui a été utilisé, et d'ailleurs qu'il était aussi à gauche dans la dictature du prolétariat, etc., a été disqualifié. Au fond, c'est comme cette question de la violence. Il y a eu quand même je pense peut-être des processus d'apprentissage collectif aussi, qui ont fait qu'on s'est dit que la dictature, il ne pouvait quand même pas en sortir grand-chose de bon. Et de même, la violence politique de masse, il ne pouvait pas en sortir grand-chose de bon. Et on est un peu dans ces coordonnées aujourd'hui quand même, ce qui fait que même donc les mouvements qui se réclament d'une insurrection ne vont pas trop insister sur la dimension de violence. Et les gens qui flirtent avec des pouvoirs exceptionnels ne vont pas trop dire qu'ils revendiquent une dictature. Donc il y a quand même cette sémantique politique aujourd'hui qui font qu'il y a des termes qui sont à éviter et qui sont utilisés essentiellement sur un mode polémique. Voilà. Et c'est tout le débat qu'il y a autour de l'article 16 de notre constitution actuelle de 1958 qui prévoit quelque chose qui est quand même une sorte de plein pouvoir dictatoriaux qui ne disent pas leur nom, si ce n'est que c'est strictement encadré et de plus en plus. Hein. On a révisé la constitution pour faire que cet article 16 soit le plus encadré possible et n'arrive pas vers une dérive autocratique. Donc ce serait possible ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si cet article existe mais qu'il est encadré... Il a été appliqué une fois. Une seule fois, en 1961, il faut quand même lors du putsch des généraux, mais à des conditions qui sont de plus en plus strictes parce que il fait peur quand même cet article 16. S'il tombait entre des mains, on peut pas le supprimer en fait. Alors une révision constitutionnelle, c'est extrêmement compliqué. Tous les gouvernements de la Ve République qui ont voulu faire des révisions constitutionnelles qui seraient aussi importantes que celles que vous mentionnez là. Il faut avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de facteurs qui il faut que les planètes soient alignées. La tendance actuelle est plutôt à renforcer le pouvoir de l'exécutif, sur un mode problématique d'ailleurs, mais depuis presque le 11 septembre, la tendance va plutôt sens d'octroyer des pouvoirs exceptionnels à l'exécutif. On a parlé à l'instant de l'autorité, de la question de dire nous sommes en dictature, c'est parce qu'effectivement il y a aussi un ensemble de situations qui se sont accumulées depuis un certain nombre d'années où on a l'impression d'être dans un état d'urgence perpétuel qui va justifier justement cette alternative. Johanna Hélène Cornuès, que vous avez dénoncé un petit peu stérile entre d'un côté la liberté et la sécurité, mais j'aimerais revenir justement sur peut-être le cœur de cette question qui est finalement la démocratie représentative. On l'a entendu dans l'extrait du film de Jean Renoir, le vrai problème, c'est qui ce nous, à qui appartenons-nous ? Est-ce qu'on est tous d'accord ensemble ? Est-ce que sans être d'accord ensemble, est-ce qu'on peut faire vivre ce conflit sans tomber dans une guerre civile ? Et il y a une question, c'est la question 149 du questionnaire qui est intéressante à cet égard, qui est « Je m'identifie d'abord à ma langue, ma culture, qui arrive en tête avec 39,89%, ensuite ma classe sociale, 8%, ma nationalité, 6,99%, mon orientation sexuelle, 2,26%, ma religion, 1,64%, ma couleur de peau, 1,35%, et rien de tout ça, quand même, qui atteint presque 40% avec 39,81%. Ça, c'est intéressant, cette question de l'identité, parce qu'on voit aussi ce qui contribue à cette idée de guerre civile ou de révolution, ce serait des crispations identitaires. Or, on s'aperçoit que finalement, ma langue, ma culture, la langue, a priori, c'est le français. Et c'est quand même ce qui lie d'abord les Français entre eux. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce point ? Oui, Johanna Hélène Cornuès. Sur cette question du « nous », effectivement, qui est vraiment, il me semble, au cœur de la crise démocratique que nous vivons. Alors, la crise de la représentation, c'est devenu un lieu commun, effectivement, du diagnostic du malaise dans la démocratie aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Rousseau lui-même... montrer le rapport problématique qu'il peut y avoir à déléguer sa volonté en tant que citoyen et à renoncer à une forme de participation directe au pouvoir politique. Il affirmait aussi que c'était à ses yeux inévitable, disons, dans les sociétés modernes. Mais ça pose la question de notre engagement, effectivement, citoyen, de cette participation. Alors ce nous, il me semble que un des enjeux ici, c'est de déjouer effectivement ces crispations identitaires, hein, sont pas frappantes, hein, dans ce questionnaire. Alors, savoir que ça recouvre pas tout le monde, mais tout le monde n'a pas une réponse existentialiste, c'est-à-dire l'identification ne repose sur rien. Oui. C'est ça. Une idée. Oui, alors c'est pas frappant, mais disons que en tout cas, je sais pas du tout comment le questionnaire a été fait, donc qui a répondu, etc. Voilà, il y a ce genre de questions aussi qui peuvent. Il a été proposé à notamment aux 18-30 ans, donc ils ont répondu majoritairement et depuis fin août, début septembre. Donc, d'accord, mais par rapport à des critères d'échantillonnage dans la société, catégorie sociale. Ça, il faudrait revenir effectivement sur qui a répondu en masse spontanément. Voilà, parce que c'était ça. Pas et non c'était plus obligé. Voilà, c'était des réponses spontanées. Donc effectivement. Et donc ça, c'est déjà un peu problématique, disons. Mais il me semble qu'en tout cas, pour essayer de déjouer ces crispations identitaires qui sont quand même très fortes dans la société, un des moyens, des perspectives politiques, hein, c'est de redonner du sens à ce nous par le bien commun et les droits que la société protège. Et là, dans la société, nous avons aussi, parce qu'on parle de ces mouvements visibles, contestataires, etc., mais il me semble qu'il y a, d'un autre côté une force, des mouvements politiques extrêmement forts, dominants, qui contestent notamment l'héritage de la Révolution française et des droits de l'homme, hein, qui vont aujourd'hui jusqu'à dépeindre la Cour européenne des droits de l'homme comme le mal absolu, parce qu'ils veulent la neutraliser pour pouvoir notamment passer des politiques migratoires qui soient en défaveur des réfugiés, etc. Et donc il me semble que là le nous, il faut véritablement qu'on le repense en fonction de ce que vise politiquement la société en termes de d'égalité des droits et des libertés et des droits fondamentaux. Et puis avec toujours l'idée du point de vue de celui qui parle, nous avons évoqué ce mouvement Extinction Rébellion qui se présente comme non-violent, qui met en avant la non-violence, mais qui, pour d'autres, est perçu aussi par leur même action comme une forme de violence, alors que c'est la non-violence qui est prônée. Et justement, dans toute cette réflexion liée à la consultation en marge de ce forum et maintenant France Culture Arte, en cas de guerre, je serai prêt à me battre pour mon pays. Quelle réponse 62% de ceux qui ont répondu, parce que ce n'est pas un sondage, c'est une consultation, 62% des gens disent non, je ne suis pas prêt à prendre les armes. Dites-nous, Jean-Claude Caron, vous avez évoqué la notion de tyrannie, mais cette notion est hyper présente parce que contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, c'est la Marseillaise. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, prenez les armes. C'est le fondement même de la République et pourtant, on voit bien qu'il y a un souci ici. Oui. Ben, quand tout à l'heure, vous évoquiez, tous les deux le « nous », il n'y a pas si longtemps que ça, le « nous » aurait d'abord été défini par la volonté, ou en tout cas l'adhésion à l'idée qu'on pourrait se battre pour son pays. C'était le « nous » ultime, c'était le « nous » qui faisait société en quelque sorte. Or là, on voit que c'est en gros deux tiers, un tiers, hein, si je résume à peu près, mais c'est ça. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on en revient à la question d'identité sociale qui était posée tout à l'heure. Ces deux questions font miroir, en quelque sorte. Hein. Quand on a vu quels étaient les critères par lesquels on se définissait, bien sûr la langue, bien sûr, mais l'appartenance à une patrie, par exemple. Vous voyez, est-ce que c'est un mot qui a encore sens? Moi, je postulerais que là, il y a un effet générationnel quand même assez important dans ce type de réponse. Il faudrait le vérifier si jamais on avait les pourcentages statistiques par rapport à cela. Mais aussi à l'idée que la guerre est une fiction. Pour les jeunes générations aujourd'hui, la guerre, c'est une fiction. C'est une fiction par l'image qu'on envoie au-delà. C'est quelque chose qui n'est pas pensable dans notre situation actuelle. À la rigueur, la guerre, c'est les jeux vidéo, enfin, je veux dire, ou les images de conflits extérieurs. Mais c'est quelque chose que, apparemment, beaucoup de gens n'arrivent plus à intégrer comme étant une, ne serait-ce qu'une possibilité, quelque chose qui pourrait se produire. Pour les gens de ma génération, dont les parents étaient les contemporains de la Deuxième Guerre mondiale et les grands-parents ceux de la Première Guerre mondiale, l'idée de guerre, était tout à fait différente. C'était des acteurs ou des témoins, les deux parfois, mais donc il y avait une présence de la guerre qui était rappelée, et y compris par les derniers conflits coloniaux qui ont touché la France avec l'Indochine et l'Algérie. Mais on pourrait très bien vous rétorquer, Jean-Claude Caron, qu'il y a eu aussi les attentats qui pourraient renforcer en fait un sentiment d'appartenance à un pays. D'ailleurs, en fait, François Hollande a bien dit le soir des attentats du 13 novembre qu'on était en guerre. Oui, alors c'est la guerre en quelque sorte à distance, puisque la guerre est projetée ailleurs, là, quelque part, en Afrique, quelque part ailleurs. Mais cette idée de guerre qui serait sur le territoire français, je ne sais pas si elle suscite vraiment une adhésion de la part d'une bonne partie de la population. Jean-Claude Monod voulait réagir. Oui, ben, je pense qu'effectivement, il y a une histoire de génération ici qui est très importante. Et avec l'abandon de la conscription, l'abandon du service militaire, il y a une expérience de l'appartenance au corps politique qui passait par l'armée, quasiment, qui passait par l'idée du devoir pour la patrie. Et tout ça paraît assez loin, déjà pour les membres de ma génération. Moi, je suis de celle de la génération qui a vu le service militaire disparaître. Enfin, j'étais à la limite, mais a fortiori, dans les générations ultérieures, il y a une dissociation entre cette idée, ben, au fond, qu'on appartient à un pays et qu'on jouit de certains droits et qu'on a éventuellement certains devoirs. Mais ce devoir-là, c'est-à-dire mourir pour la patrie, hein, dont Kantorowicz faisait la clé théologico-politique des États modernes, a à peu près disparu de l'horizon. Ce qui ne veut pas dire, je pense, que les gens ne seraient pas prêts éventuellement à défendre, peut-être d'ailleurs aussi, des valeurs politiques, à défendre, je ne sais pas, en cas d'occupation, d'invasion. Bon, là, je pense que les images de résistance, que ça reste assez présente dans ces générations, mais elles sont effectivement assez dissociées de l'idée de peut-être de la patrie, d'ailleurs, qui est quelque chose qui a aussi perdu de sa prégnance, aussi sans doute du fait de la construction européenne, d'ailleurs, qui fait que les gens se voient plus comme, certes, français, mais aussi européens, donc pris dans un tout plus important, et où le lien État-nation-armée est quelque chose qui s'est quand même largement défait, et ce qui fait qu'effectivement le « nous » se pense différemment, sur un mode d'ailleurs sans doute plus apaisé. Au fond, même la langue, la culture, c'est quand même, ce sont plutôt des critères assez apaisés d'appartenance. C'est quelque chose qui est potentiellement, qu'on peut ouvrir. D'ailleurs, il y a un académicien nouveau qui est intégré à l'Académie française et qui n'a pas écrit en français et qui écrira éventuellement en français. Donc c'est quelque chose qui est quand même potentiellement plus ouvert que le corps politique à défendre contre l'ennemi. Au fond, c'est aussi cette polarité ou cette vision de la politique orientée ou hantée par l'ennemi qui s'est éteinte, même s'il y a des retours, effectivement, avec des expériences de terrorisme ou d'autres expériences de ce type. Alors pour terminer, peut-être cette réponse à cette question, pour changer le monde, il faut être idéaliste ou réaliste. Eh bien, un peu plus de ceux qui ont participé à la consultation disent réalistes, mais en vérité c'est 42% d'un côté, 57% qui veulent être réalistes. Il faut beaucoup de réalisme et surtout prendre la conscience que tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est un moment très précis. Pour changer le monde, il faudrait peut-être être justement utopiste, réaliste, comme disait Rawls, une utopie réaliste. Il nous faut un peu d'utopie et c'est absolument nécessaire, les uns les autres, de nous avoir confié votre analyse. Merci vivement à tous les trois, Jean-Claude Caron, Jean-Claude Monod. Merci aussi à Johanna Lenne-Cornuez. Votre livre Être à sa place, la formation du sujet, est disponible aux éditions Classique Garnier. Jean-Claude Monod, c'est disponible, votre livre L'art de ne pas être trop gouverné, aux éditions du Seuil. Et pour vous, Jean-Claude Caron, Paris, l'insurrection capitale. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Dimitri Paz. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach, Sophie Catherine Gallet. Cette émission, toutes les émissions du cours de l'histoire sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et Géraldine, nous nous retrouvons tout de suite. À tout de suite, Xavier. Sur les chemins de la philo.